Chapitre 2e. Madame Borel, qui possédait toutes les vertus dont la duchesse de la Sorga prenait le masque afin de cacher sa profonde perversité, Madame Borel s'entretenait avec son fils Alexis et lui disait en souriant « Oui, oui, elle est charmante, cette Madame Wolfram, et je ne sais ce que l'on doit admirer le plus en elle, de sa beauté, de son esprit ou de son talent, c'est entendu. Et cependant, ma mère, quelle simplicité, quelle modestie, j'en conviens encore, mais fût-elle sotte et sans talent, on admirerait Madame Wolfram pour sa beauté. Fût-elle laide et sans talent, on l'adorerait pour son esprit. Enfin, que dirais-je, fût-elle laide, sans esprit, sans talent, on l'adorerait encore pour la bonté de son cœur. N'est-il pas vrai, ma mère ? Voilà qui est fort poétique, assurément. Mais il me faut répondre à cette poésie, parce qu'il y a de plus prosaïque au monde, en te répétant « Va donc ouvrir tes lettres de Lyon et faire ton courrier, vilain paresseux. Tu es en retard aujourd'hui, de plus d'une heure. » C'est sa faute. À qui ? À Madame Wolfram. Vraiment. Certes, j'ai tant de plaisir à parler d'elle avec toi, bonne mère, que j'oublie tout. C'est elle que tu devrais gronder. Voilà, par ma foi, une belle excuse, reprend Madame Borel en riant. Et tu mériterais bien que, la première fois que j'aurai le plaisir de voir cette aimable dame, je lui fisse part de cette réponse. Dis-le-lui si tu veux, mais cela m'est bien égal. Voyez-vous cette mauvaise tête ? Je le lui dirai bien à elle-même, ajoute Alexis d'un air très crâne. Oui, je lui dirai à elle-même. Figurez-vous, madame, que ma mère a tant de plaisir à s'entretenir de vous avec moi que nous oublions tout et... Comment, monstre d'enfant, c'est moi que tu accuses ? Certainement. N'est-ce pas toi qui, ce matin, dès que je suis entré ici, m'a dit « Croirais-tu que j'étais si impressionné hier au soir par le chant de cette charmante Madame Wolfram que cette nuit, j'ai eu en rêve la répétition du concert de la veille, ce qui, par parenthèse, m'a été infiniment agréable. Mère, m'as-tu dit cela, oui ou non ? C'est vrai. » Attends, ce n'est pas tout. Et comme je te répondais que moi aussi, j'avais rêvé de cette charmante Madame Wolfram, rêve singulier, dans lequel je la voyais, une étoile au front, planer dans l'azur du ciel, avec de grandes ailes blanches comme les longues draperies qui flottaient... Ah, bon, nous voilà planant dans l'azur avec les anges. Je vais joliment te ramener sur terre, monsieur mon fils. Va lire tes lettres de commerce et faire ton courrier. Laisse-moi donc achever. Ne m'as-tu pas répondu que mon rêve n'était pas très éloigné de la réalité, car tu ne te trompais guère sur les physionomies et que Madame Wolfram devait être un ange. M'as-tu encore dit cela, mère, oui ou non ? D'accord. Tu vois donc, bonne mère, que tu éprouves autant de plaisir que moi à parler de Madame Wolfram, un ange selon toi. Soit. Mais en disant que cette charmante jeune femme devrait être un ange, je n'ai point du tout inféré de cela que tu devais, toi, vilain musard, retarder la lecture de ton courrier, donc balire tes lettres. Ah, mon Dieu ! Reprend soudain Alexis, feignant de se rappeler. « J'y songe, est-ce que je ne t'ai pas raconté ?»« Quoi donc ?»« À propos de Madame Wolfram. »« Mais quoi donc, encore une fois ?»« Cette action si noble, si touchante envers une pauvre femme et ses enfants. »« Non, tu ne m'as rien dit de cela, » répond naïvement Madame Borel, dupe de l'innocente malice de son fils. Et elle ajoute avec empressement, « Raconte-moi donc ce beau trait. »« Eh bien, figure-toi, mère, qu'un jour d'hiver, le soir, » par une nuit noire, Madame Wolfram. Mais Alexis, s'interrompant et faisant un pas vers la porte. « Pardon, mère, nous reprendrons cet entretien. »« Pas du tout, il m'intéresse fort, au contraire. Achève, » dit Madame Borel. Et répétant ingénument les paroles de son fils, elle ajoute « Tu disais donc qu'un soir d'hiver, par une nuit noire, Madame Wolfram. » La suite d'un prochain numéro. « Ainsi que se terminent les romans feuilletons, bonne mère, » dit en riant Alexis. Il me faut aller tout de suite lire mes lettres de commerce. Je suis déjà en retard. Tes lettres, qu'importe maintenant quelques minutes de plus ou de moins de retard. Et cédant à une impatiente curiosité, Madame Borel ajoute. Tu disais donc que par cette soirée d'hiver, Madame Wolfram. Mais mes lettres, ma mère. Et mon Dieu, sois tranquille. Elles ne s'envoleront pas, tes lettres. Je suis impatiente d'entendre la fin de ce récit. Car tout ce qui est relatif à cette aimable femme m'intéresse à un point incroyable. Tu disais donc qu'un soir, Madame Wolfram. Ah, es-tu curieuse, es-tu curieuse ? Répond en riant Alexis, qui embrasse sa mère. Je t'y prends. Tu es tombé dans un affreux guet-apens. Comment ? J'inventais cette histoire. Traître ! Reprend gaiement Madame Borel. Et moi qui bonnement, c'est indigne. Fi, l'affreux menteur ! Vois-tu, mère, que tu aimes autant que moi à parler de Madame Wolfram. Allons, je l'avoue, je suis prise. Mais tu es un fier traître, monsieur mon fils. Eh bien, puisque tu es prise, voici ta rançon. Supposons que le récit que tu désirais si vivement d'entendre ait duré combien, voyons, 10 minutes, est-ce trop? Je ne veux pas abuser de ma position. Va pour 10 minutes. Ensuite, pendant ces 10 minutes, les lettres que j'ai à lire ne se seraient pas envolées, n'est-ce pas, chère mère? Ce sont tes propres termes. Hélas, il n'est que trop vrai, double fourbe. Eh bien, pendant ces 10 minutes que tu consacrais à entendre mon récit, nous nous entretiendrons de cette charmante femme. Voilà ta punition. C'est la loi du vainqueur. Je dois la subir. Je me résigne. Et au fond du cœur, tu es enchanté. Taisez-vous, fils sans pitié. Oh, ma mère. Reprend Alexis, non pas gaiement cette fois, mais d'un accent plein de tendresse et d'attendrissement. Oh, ma mère, quelle riante vertu que la tienne. Pourquoi donc toujours la représenter sérieuse et rigide, la vertu? Un bon et franc sourire comme le tien lui sied si bien, il double son prix. Croirait-on à te voir si simple, si gaie, si indulgente aux folies de ton fils? Que tu es cette sainte femme, cette bonne dame de charité tant bénie, tant vénérée par les pauvres ouvriers de Lyon? Qui te connaîtrait, mère chérie, te prêterait l'une de ces physionomies austères qui imposent seulement le respect? Tandis qu'il y a en toi je ne sais quel attrait à la fois grave et doux qui fait qu'on te révère autant qu'on est charmé de l'aménité, de l'enjouement de ton caractère. Oh mère, combien je t'aime! Ajoute Alexis, les yeux légèrement humides, en baisant à plusieurs reprises avec effusion les mains de Madame Borel. Celle-ci, touchée de l'émotion de son fils, lui répond tendrement « Tu es indigne, enfant, et si le peu de bien que je répands autour de nous ne portait en soi 1000 fois sa récompense ? Tes bonnes et chères paroles me paieraient au centuple de ce que mérite ma charité, bien facile à exercer, car après tout, qu'est-ce que je donne ? Une bien faible portion de notre superflu. Et qu'importe ? Ce n'est pas seulement l'argent que tu donnes, c'est ton cœur. Oui, il est tout à tous, il est à ceux qui souffrent. Ce n'est pas une froide aumône que tu leur jettes. Tu leur apportes les douces consolations de l'âme. Combien de fois n'ai-je pas vu ta sereine gaieté rappeler le sourire, la confiance, l'espoir sur les visages assombris par le chagrin? Combien de fois la générosité... Oh, ma générosité ne se peut en rien comparer à la tienne, surtout en ce moment, cher prodigue. Que veux-tu dire, mère? Regarde la pendule. Eh bien, répond en souriant Madame Borel, voilà déjà 3 ou 4 minutes découlées sur les 10, ni plus ni moins, dont tu peux disposer pour parler de Madame Wolfram. Soit, répond Alexis, souriant à son tour. Mais si je ne parle pas d'elle, du moins je parle comme elle, en te disant que ta bonté, ta vertu m'inspirent. Rappelle-toi, avec quelle grâce, quel à propos, Madame Wolfram faisait hier ton éloge et celui de Madame la Duchesse della Sorga. Je mentirais en disant que je n'ai pas été très sensible à la sympathie que me témoignait Madame Wolfram. Car pour en revenir à ton rêve éthéré, j'incline à croire décidément qu'elle est un ange égaré sur notre planète, et que quelque jour, nous la verrons, comme tu l'as vu en songe, s'envoler à tire d'aile avec une brillante étoile au front. Et voilà justement pourquoi, je te l'avoue, mère, je suis... Tu es... Je n'ose. Voyons, achève, tu es... Amoureux de Madame Wolfram. Vraiment, mon garçon? En vrai, bah. Mais hélas, qui s'appelle amoureux? Amoureux pour tout de bon, je crois bien. Oh, oh, monsieur Alexis, voilà une bien grosse confidence. N'est-ce pas, ma mère? Et tu ne me grondes pas? Ma foi, non. Être amoureux d'un ange qui plane là-haut, tout là-haut, à perte de vue, dans l'azur, une étoile au front, ça n'a pas, vois-tu, grand inconvénient. Attendu que les ailes ne te pousseront point pour aller rejoindre ce bel ange dans son éther, mon pauvre garçon. Hélas, j'en doute. Comment tu en doutes? L'entendez-vous? Il n'est pas absolument convaincu que quelque jour il ne prendra point son vol, à l'instar de feu M. Degen et de sa mécanique, lequel par parenthèse s'est cassé le nez. Voyez-vous la fatuité de monsieur mon fils? Bien, tu te moques de moi. Oh, par exemple, je n'oserais prendre cette liberté-là. Méchante mère, bah! Je suis si peu méchante, et je compatis tellement à ton martyr, infortuné garçon, que lorsque j'irai rendre ma visite à Madame Wolfram, je lui dirai « Vous ne savez pas, chère madame, mon fils est amoureux de vous. Il attend seulement que ses ailes soient poussées afin de vous faire sa déclaration. Tu es pourtant capable de me jouer ce tour-là. » Et je n'y manquerai certes point. Puis, quittant ce ton enjoué, Madame Borel dit à son fils « Tiens, mon ami, parlons sérieusement. Une mère est pénétrante. Je me suis bien aperçu hier de la vive impression que causait sur toi cette enchanteresse. Eh bien, je te le répète, cher enfant, maintenant je parle sérieusement, je suis ravi. De ce que Madame Wolfram m'ait causé cette vive impression. Oui. Et tout à l'heure, je ne plaisantais qu'à demi, en te disant qu'il n'y avait pas grand inconvénient à être amoureux d'un ange qui plane dans les terres. En d'autres termes, mon enfant, il est heureux pour un jeune homme de ton âge, doué comme tu l'es, d'une extrême délicatesse de cœur qui t'a toujours préservé de ces fâcheux entraînements où tant de jeunes gens trouvent leur perte. Il est heureux, dis-je, pour toi, d'éprouver un vif attrait pour une belle, vertueuse et aimable personne, aussi incapable d'encourager par sa coquetterie l'honorable sentiment qu'elle a inspiré, que c'en est faire l'objet de ses railleries ou de son dédain. Non, elle userait de son influence sur toi, si elle la connaissait, pour élever encore ton âme, pour te rendre meilleure, plus attachée à tes devoirs. Oh mère, si tu savais comme tu dis vrai, je l'espère. Figure-toi que, depuis hier, il me semble que je vous aime davantage, toi et mon père, que je me sens meilleur, plus ambitieux encore de mériter aussi le renom d'honnête homme, le titre le plus simple, le plus glorieux de tous. Il me semble toujours entendre la voix de Madame Wolfram me disant « Monsieur Alexis, vous serez digne d'honorer le nom de votre père. » Enfin, depuis hier, il me semble que je ressens, comme jamais je ne l'ai ressenti, l'amour du bien et l'horreur du mal. Cela doit être, mon enfant, parce que le sentiment que t'inspire cette noble jeune femme, ne dépassant jamais de ta part, je le sais, les bornes du respect le plus profond, épurera encore, s'il se peut, ton âme si pure. Ton rêve, rêve généreux et touchant, sera d'obtenir que Madame Wolfram te dise un jour, en te tendant cordialement la main, « Vous êtes un bon et brave cœur. Si j'avais une sœur ou une amie à marier, je lui dirais, épouse-le, tu ne saurais faire un meilleur choix. » Tiens, mère, en t'écoutant, les larmes me viennent aux yeux. Oui, épouser une femme choisie par Madame Wolfram, ce serait encore l'aimer. Bien, bien, cher enfant, tu dis vrai, car au sein de cette heureuse union, tu te souviendrais avec délice, avec orgueil, de ce noble amour auquel tu auras dû ton bonheur passé, ton bonheur présent. Quel avenir enchanteur, mère! Oui, oui, Madame Wolfram, saura que... Elle saura, monsieur le Musard, et elle vous en gourmandera fort, qu'elle vous fait oublier tout, jusqu'à vos lettres de commerce, que vous devriez avoir lues depuis une heure. Si l'empire de Madame Wolfram débute ainsi, elle en sera fort peu flattée, je vous en avertis. Tiens, si elle est l'ange des femmes, tu es toi l'ange des mères. Et Alexis Borel, prenant entre ses mains le visage de Madame Borel, l'embrasse avec tendresse, puis « Je vais à l'instant lire mes lettres et m'occuper de mon courrier. » M. Borel entre à ce moment chez sa femme. Il est pâle, soucieux, et dit à son fils, comme s'il voulait chercher une distraction à ses pensées secrètes, « Mon ami, y a-t-il quelque chose de nouveau dans notre correspondance de ce matin ? Je ne l'ai pas encore ouverte, mon père. Je vais m'en occuper à l'instant. Je te demande pardon de ma négligence. » « Ce retard est insignifiant, mon ami, » répond le banquier, de nouveau absorbé, tandis que sa femme dit à Alexis, qui se dirige vers la porte, « N'oublie pas de me renseigner, si tu l'es, sur ce prêt de 10 000 francs dont M. Duport n'a pas donné de reçu à notre caissier, car je crains... » « Ah, ma mère, encore ce soupçon ? Je suis presque certaine de ne pas me tromper. M. Duport, un si honnête homme !» Et s'adressant à M. Borel, de plus en plus absorbé, Alexis ajoute, « Mon père, tu entends ?» « Quoi ?» demande le banquier, complètement étranger à ce qui se passait autour de lui. « Que dis-tu, Alexis ?»« Je répondrai à ton père. Dépêche-toi d'aller mettre à jour ta correspondance. » reprend Madame Borel, s'adressant à son fils. Celui-ci sort, et elle reste seule avec son mari.